إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 43 dans l'explication du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et donc on est arrivé à la citation maintenant de l'imam, une citation qui est rapportée par l'imam Ahmad et c'est une parole de l'imam Malik. C'est une parole de l'imam Malik. Rawa l'imam Ahmad Haddathana Suraj Ibn Nu'man قال سمعت عبد الله ابن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. نعم. Donc ça c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il dit, nous a été rapporté par Suraj ibn Nu'man. السريج بن النعمان هو السريج بن النعمان بن مروان أبو الحسين اللؤلؤي أصله من خراسان وسكن بغداد قال عنه الذهبي كان من أعيان المحدثين انتهى كلامه توفي سنة 710 في ذي الحجة ودفن يوم عيد الأضحى. Donc سريج c'est Suraj ibn Nu'man ibn Marwan Abu al-Husayn al-Lu'lu'i. À la base il vient de Khurasan mais il a vécu à Bagdad et l'imam al-Zahabi a dit faisait partie des muhaddithin, ok, parmi les grands muhaddithin, et il est mort en l'an 217 de la Hijra dans le mois de Dhul-Hijjah et il a été enterré le jour de Eid al-Adha. Et donc ça c'est Suraj ibn Abdil Suraj ibn Nu'man, et il dit Suraj ibn Nu'man, il dit j'ai entendu Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir, et Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir mawla bani Makhzum min kibari fuqaha al-Madina wa min kibari ashab Malik wa qad lazimahu luzuman shadidan hatta ruwiya anhu annahu qala صحبت مالكا 40 وما كتبت شيئا منه وإنما كان حفظا أتحفظه انتهى كلامه. وقال عنه الإمام أحمد كان صاحب رأي مالك وفقه أهل المدينة برأي مالك انتهى كلامه توفي سنة 600. Donc Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir مولى بني مخزوم, il fait partie des grands fuqaha de la ville de Médine. Et il fait partie des grands parmi les compagnons de l'imam Malik. Il est resté avec lui, hein, et il est resté très longtemps. Même qu'on rapporte de lui qu'il a dit, j'ai été le compagnon de l'imam Malik pendant 40 ans. C'est-à-dire, il est resté avec l'imam Malik pendant 40 ans. Hein, et il dit, et je n'ai rien écrit de lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dit, je ne l'écrivais pas, mais je le mémorisais. Donc il a tout appris de l'imam Malik et il a étudié la science avec lui pendant 40 ans, subhanallah. L'imam Ahmed a dit à son sujet qu'il était la personne qui connaissait la position et les opinions de l'imam Malik et son fiqh était yani la position le fiqh des gens de Médine et l'opinion de l'imam Malik. OK. Et il est mort en quelle année? Il est mort en l'an 206 de la Hijra. Il est mort en l'an 206 de la Hijra. Donc, c'est lui qui rapporte la parole de l'imam Malik ici. Et la parole de l'imam Malik en question, c'est laquelle? C'est la parole qui dit que l'imam Malik a dit « Allah est dans les cieux et sa science est partout hein, et en tout lieu. » Et il n'y a pas un endroit dans lequel il n'y a pas sa science. Il n'y a pas un endroit dans lequel sa science est absente. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toutes choses et il sait tout ce qui se passe en tout lieu et partout en même temps. Et ça c'était rapporté dans l'explication du verset dans Sourate Al-Mujadala. C'est quel verset? Oui, Al-Mujadala. Le verset. Donc, c'est l'explication de ce verset-là. Ici, justement, il est cité. Il dit: روى الإمام أحمد في السنة قال حدثنا سريج بن النعمان أخبرني عبد الله بن الصائغ قال مالك وذكره وزاد وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. C'est le verset يعني que un frère avait mentionné l'autre fois quand on parlait de l'ulu et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône et qu'il n'est pas physiquement dans toutes choses ou partout, comme le disent les Jahmiyyah et les Soufiya parmi les gens de Al-Hulul et les gens de l'égarement. Donc il a mentionné ce verset-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes excepté qu'il est le quatrième, et entre cinq personnes excepté qu'il est le sixième, et non pas plus ou moins que ce nombre-là excepté qu'il est avec eux là où ils se trouvent. Illa huwa ma'ahum aynama kanu. Donc certains ont mentionné ce verset-là et ils ont dit bon, ça c'est la preuve qu'Allah est partout hein. Et l'imam Malik, il a expliqué le verset et il a dit que Allah est dans les cieux mais que sa science est partout. Donc c'est pas il est partout lui-même hein, physiquement par sa personne en tout lieu, mais qu'il est en tout lieu par sa science hein, parce qu'il nous voit, il nous entend et il sait qu'est-ce qu'on fait peu importe où on est hein. Et donc ça c'est la clarification à ce sujet-là et c'est la position des salafs et c'est la position des gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a. يعني وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة وهو أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان ويعلم كل شيء وأنه يسمع كلام عباده ويراهم من فوق العرش سبحانه وتنفذ قدرته ومشيئته فيهم. Donc c'est pour dire que ça c'est la position de tous les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a hein, que Allah est au-dessus de son trône et que sa science est partout et qu'il sait tout ce qui se passe et qu'il entend toutes les paroles de ses serviteurs et qu'il les voit depuis le haut de son trône hein, depuis hein, le dessus de son trône subhanahu wa ta'ala, et il exécute son pouvoir et sa volonté sur eux. Et c'est la même chose pour les autres versets, comme le verset wa huwa aqrabu ilayhim min hablil warid, il est plus près d'eux que leur veine jugulaire. La veine jugulaire c'est dans le cou hein. Donc est-ce que tu vas dire Allah subhanahu wa ta'ala il est dans notre cou? Non, mais par sa science il est plus près de nous que nous-mêmes hein. Wa huwa aqrab ilayhi wa huwa aqrab ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ça c'est la personne qui quand elle est mourante hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de sourate Al-Waqi'a wa huwa aqrab ilayhi minkum walakin la tubsirun. Donc il est plus près de vous, il est plus près de lui que vous, alors que les gens en question sont autour de lui. Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite, il mentionne une autre parole. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit قال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق وقضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. Donc ici c'est la parole de l'imam al-Shafi'i qui dit que le khilafa de Abu Bakr c'est un khilafa qui était véridique, qui était droit, et que Allah a décrété à partir des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété que ce khilafa allait être, et il l'a décrété depuis les cieux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il est au-dessus des cieux. Et il a réuni les cœurs de ses serviteurs sur ce khilafa. Donc, ça aussi, c'est encore une fois une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses cieux, et c'est la parole de l'imam al-Shafi'i. Et il mentionne ensuite une autre citation, il dit « Wa fi sahih an Anas ibn Malik » قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا مثل قول الشافعي. Donc l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne la parole qui est rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik, qui est rapporté par Al-Bukhari, que Zainab, radiyallahu anha, Umul Mu'minin, la mère des croyants, Zainab, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle se vantait, aux autres épouses du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, vos familles vous ont donné en mariage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est vos familles qui vous ont marié, tandis que moi, c'est Allah qui m'a marié au messager d'Allah depuis les sept cieux. Tu vois? Donc c'est pour dire, elle affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des sept cieux. Tu vois? Et ça c'est une autre preuve. فهذا الحديث فيه إثبات أن الله فوق العرش فوق السماوات وذلك أن الله سبحانه وتعالى زوج نبيه زينب ولما طلقها زيد ابن حارثة وكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما انقضت عدتها زوجها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات من دون ولي فوليها الله فوليها الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي أنكحها نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ولهذا كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا من مناقب زينب رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون وكلاء وبدون الشروط المعتبرة كالولي والشاهدين والمهر وغير ذلك. أي نعم. Donc ça c'est pour dire que ça prouve que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, et que yani Zainab elle a été donnée en mariage au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après que Zayd ibn Haritha l'ait divorcé, et il était le servant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque la idda de Zainab fut terminée, Allah l'a donnée en mariage à son prophète à partir des sept cieux, à partir d'au-dessus des sept cieux, sans qu'il y ait un wali. Allah a été son wali. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a épousé, qui l'a donné comme épouse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 37 dans surat Al-Ahzab. Et c'est pour cette raison-là qu'elle mentionnait ça comme une fierté devant les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, vous avez été donné en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam par vos familles, tandis que moi, c'est Allah lui-même qui m'a donné en mariage au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir d'au-delà des sept cieux. Et ça c'est parmi les mérites et les qualités ou les choses qu'on mentionne de bien par rapport à Zainab, hein, radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc habité avec Zainab sans qu'il y ait un wali ou des garants ou des conditions comme le wali, les deux témoins et le mahar. Et ça, c'est quelque chose qui était particulier et spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une autre. Donc, après, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et ça, c'est semblable à la parole de l'imam al-Shafi'i qu'on a cité tout à l'heure. C'est la même signification que la parole de l'imam al-Shafi'i. Quand Zainab disait cette parole, il n'y a personne qui lui disait, pourquoi tu dis que Allah est au-dessus des sept cieux, hein? Il n'y a personne qui la condamnait ou qui la blâmait de dire ça, hein? Au contraire. Donc c'est la preuve que les sahaba, les salafs, ils affirmaient que Allah est au-dessus de sa création, qu'il est au-dessus des cieux, et personne réprimandait ou condamnait ou s'objectait à ce genre de citation ou d'affirmation. Donc c'est la preuve que c'est ça la position de nos salafs à ce sujet-là. Et personne parmi eux disait que Allah est dans sa création ou partout ou des choses comme ça. Ça c'est une parole de bid'a qui est apparue après. Hein, parmi les gens des garments et parmi les gens des autres religions qui ont une compréhension erronée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite wa qissatu abi yusuf sahib abi hanifa mashhuratun fi istitabati bishr al-murisi hatta haraba minhu wa lamma ankara as-sifat wa azhara qawla jahm wa qad dhakaraha ibn abi hatim wa ghayruhu. Murrisi, on dit des fois Bishrun al-Murrisi et on peut dire Bishrun al-Murrisi avec le shadda sur le ra ou bien sans la shadda. Et Cheikh Ibn Baz il a expliqué que c'est parce que Bishr il vient d'une ville en Égypte qui s'appelle Mirris. Et il y en a qui disent Marissa, il y en a qui disent Mirris. Donc ceux qui disent Mirris, ils disent al-Murrisi, et ceux qui disent Marissa, ils disent Al-Marissi, sans la Shadda. Non. Donc, ça, c'est une histoire qui il dit ici que le compagnon de l'imam Abu Hanifa, Abu Yusuf, qui était un de ses grands élèves, il mentionne qu'il avait appelé Bishr al-Murrisi à se repentir. Puis, il s'est enfui lorsqu'il a commencé à nier les attributs d'Allah et qu'il a laissé paraître ou montrer ou exprimer la position de Jahm ibn Safwan qui est la négation des noms et des attributs d'Allah. Et cette histoire a été rapportée par Ibn Abi Hatim et d'autres également. Et elle est rapportée dans le livre Mukhtasar al-Ulu de l'imam al-Dhahabi que Cheikh al-Islam que Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani a publié avec le tahqiq et le tahrij. Un livre célèbre. Bon, maintenant on passe à le cheikh, il commence à citer d'autres paroles d'un autre imam et c'est ça qui va être en fait jusqu'à presque avant la fin du livre. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qu'il fait, Cheikh al-Islam? Il cite des citations de différents livres des ulama de l'époque, donc de l'époque des salafs. Donc, pour donner comme exemple, là on est rendu à la page, ça dépend de l'édition, mais là c'est la page 115. Donc, il va citer les paroles de l'imam Ibn Abi Zamanin. Ibn Abi Zamanin. Et Ibn Abi Zamanin, c'est un imam parmi les imams de l'Andalousie, parmi les imams de Al-Malikiyya, les imams du madhab de l'imam Malik. Ibn Abi Zamanin, son nom c'est Muhammad Ibn Abdullah. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Isa Ibn Muhammad Al-Murri, Al-Andalusi. أبو عبد الله شيخ قرطبة اشتهر بابن أبي زمانين. Il a un livre qui s'appelle Usul Sunnah. il a un livre qui s'appelle Usul Sunnah, dans lequel il élabore et il clarifie les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah dans la Aqidah, et il réfute les positions des gens de Bid'ah. Et donc son livre, il existe actuellement, il est publié. Et je pense même que le Cheikh Abdullah al-Bukhari, il avait fait le travail de faire le tahqiq de ce livre comme thèse, soit sa maîtrise ou son doctorat. Je ne me rappelle plus lequel des deux. Donc, d'après moi, c'était sa maîtrise. Et elle est publiée. Cette édition-là, elle est publiée. Elle est en vente dans les librairies, dans les pays musulmans. Et même vous pouvez trouver la version PDF de ce livre-là sur Internet. Vous avez juste à écrire sur Google « Usul Sunnah » de l'imam Ibn Abi Zamanin, et vous allez le trouver. OK? Et il y a même un charh qui a été écrit par le Cheikh Zayd, Cheikh Zayd al-Madkhali, qui a fait le charh, et ce charh, il est publié aussi. Et il y a plusieurs ulama de notre époque qui l'ont expliqué, ce livre-là. Donc c'est un livre qui est un livre de référence que les ulama enseignent régulièrement. C'est un très très bon livre. Donc il cite donc ce livre de l'imam Ibn Abi Zamanin. Comme on a dit, son nom c'est Muhammad Ibn Abdullah Ibn Isa Ibn Muhammad Al-Murri Al-Andalusi. Sa kunya c'est Abu Abdullah. Et c'était le cheikh de la ville de Qurtuba. Qurtuba, c'est une ville en Espagne qu'on appelle Cordoba, hein, aujourd'hui, Cordoba. Donc Qurtuba en arabe. Et son nom par lequel on le connaît, c'est Ibn Abi Zamanin. Ibn Abi Zamanin. Na'atahu al-Dhahabi بأنه صاحب عبادة وتقوى وإخلاص مجانبا للأمراء ومتقفيا لآثار السلف وكان ذو رسوخ في العلم. ولد سنة 24 و300 وتوفي سنة 99 و300. Donc l'imam Ibn Abi Zamanin, l'imam al-Dhahabi, a dit à son sujet que c'était un homme qui avait beaucoup d'adoration, de piété et de sincérité, et que c'était quelqu'un qui s'écartait des dirigeants ou du pouvoir, dans le sens que yani, il ne cherchait pas à se rapprocher d'eux pour obtenir quelque chose de la dunya. C'est quelqu'un qui était loin de ça. Et aussi, il recherchait les narrations des salafs. Il recherchait les narrations des salafs. Et il était quelqu'un qui était fermement enraciné dans la science. Il est né en l'an 324 de la Hijra et il est mort en l'an 399. Donc ça c'est Ibn Abi Zamanin. Donc Cheikh l'Islam, il cite ses paroles et il nous mentionne ses paroles pour montrer la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah au sujet de la croyance en le fait que Allah est au-dessus de son trône et au-dessus de sa création, et en même temps pour confirmer que yani, ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah dans toutes les régions et de tous les pays de l'époque. Tous les ulama d'Ahl Sunnah défendaient et supportaient cette même position là. D'accord? Donc il dit qala Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Zamanin al-Imam al-Mashhur min a'immat al-Malikiyyah fi kitabih alladhi sannafahu fi usul as-Sunnah. وقال فيه باب الإيمان بالعرش. Donc il a écrit ce livre là et donc c'est un imam parmi les imams de Al-Malikiyya qui était sur le madhab de l'imam Malik, et il a écrit à son époque un livre qui s'appelle Usul Sunnah, comme on l'a dit. Parmi il y a l'édition de Dar al-Ghuraba al-Athariya, puis il y a d'autres éditions également de qui ont publié ce livre. Et dans le livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Bab al-Iman ou bil-Arsh », c'est-à-dire le chapitre au sujet de la foi en le trône. Il dit « Wa qala wa min qawli ahli sunnah anna Allah azza wa jal khalaqa al-Arsh wa akhtassahu bil-ului wal-irtifa' fauqa jami'i ma khalaq ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان الله من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما تحته هواء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى. Donc il dit, l'imam Ibn Abi Zamanain, il dit que la position d'Ahl Sunnah, la parole d'Ahl Sunnah et Wal Jama'a au sujet du trône, c'est que Allah a créé le trône et qu'il est au-dessus du trône et qu'il s'est élevé au-dessus du trône et que le trône est au-dessus de la création. Hein? Le trône est au-dessus de toutes les créations. Donc c'est la plus haute de toutes les créatures. Et les ulama, ils disent huwa saqful makhluqat. Ils disent que le trône d'Allah, c'est le toit de la création. Au-dessus du trône, il n'y a rien excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône comme il veut. Et comme il nous en a informé lui-même dans le Coran, comme dans le verset 5, dans Surah Taha, il dit le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. الرحمن على العرش استوى. Et dans le verset 4 dans Surat al-Hadid et dans beaucoup d'autres versets aussi, il dit ثم استوى على العرش. Puis il s'est élevé sur le trône. فسبحان الله من بعد وقرب بعلمه. Donc louange et gloire à celui qui par sa science de loin ou de proche, hein, il est près de sa création par sa science et il entend la parole de ceux qui se parlent en secret. Fasami al-Najwa, comme dans Surat al-Mujadala. Dans Surat al-Mujadala, le premier verset dans Surat al-Mujadala, qu'est-ce que ça dit? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadilu. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il l'entend. Et Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de ça, à propos de ce verset là elle a dit subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il l'entend alors qu'il est au-dessus des sept cieux et moi j'étais dans la même pièce et je ne pouvais pas entendre qu'est-ce qu'elle disait tellement elle parlait à voix basse. Donc c'est pour dire subhanallah que Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout, même s'il est au-dessus des sept cieux il peut entendre le son le plus faible, le plus petit que nous on ne peut même pas entendre avec nos oreilles alors que la chose est proche de nous, et bien on ne l'entend pas quand même, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui il est capable de l'entendre. Donc c'est à ça qu'il fait allusion ici quand il dit فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي أو العقيلي. Il dit ensuite, il a mentionné le hadith de Abu Razin al-Aqili. Et Cheikh Ibn Baz il a dit à propos de ce hadith qu'il n'est pas fort, c'est pas un hadith dont l'authenticité est forte. Et il dit, c'est possible que si on réunit certaines des narrations de ce hadith, qu'il puisse devenir plus fort, et son authenticité pourrait être plus solide. Mais toutefois, le hadith, il est faible, il n'est pas fort. Mais il dit qu'il y a d'autres hadiths qui ont un sens proche. Et il dit que de toute façon, nous on doit prendre ce hadith là comme on prend les autres hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah, c'est-à-dire que c'est des hadiths qui sont tawqifi, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter dans ces hadiths là à ce que Allah et le messager ont dit, puis on ne dépasse pas la signification, on s'arrête à ce qui est écrit dans le texte, puis on n'essaie pas de le déformer ou de l'interpréter ou de nier la signification. Donc qu'est-ce que ça dit ce hadith? Quelqu'un a posé la question au messager d'Allah. Au messager d'Allah, où était notre Seigneur avant qu'il ait créé les cieux et la terre? Et il dit fi amain. Et la définition ici par la suite de amain, il dit qala Muhammad al-amain as-sahab al-kathif al-mutbiq. Donc il dit que al-amain c'est un nuage, un nuage qui était épais. Et dans l'explication, ça dit huwa as-sahab ar-raqiq. Il y a eu différentes paroles ou explications de qu'est-ce que signifiait yani al-ama. Donc c'est comme la nuée ou le nuage ou quelque chose de ce genre-là. Et donc sahab ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Donc dans une brume ou dans une nuée, au-dessus de cette nuée il n'y a pas de vent et en dessous il n'y a pas de vent. Où il n'y a pas d'air et il n'y a rien. Donc il dit فَالَّذِي تَحْتَهُ هَوَى وَالَّذِي تَحْتَهُ هَوَى الَّذِي فَوْقَهُ هَوَى وَالَّذِي تَحْتَهُ هَوَى. ولكن هذا الحديث فيه وكيع ابن حدس ويقال عدس وهو مجهول غير معروف ولكن نصوص العلو كثيرة ولا حصر لها فأفرادها تزيد على 3000 دليل كلها تدل على علو الله على خلقه. Donc ce hadith là dedans il y a quelqu'un qui est majhoul, et le nom de la personne dans la chaîne de transmission de ce hadith qui est inconnu, c'est Waqi' ibn Hadas, on l'appelle aussi Adas, Waqi' ibn Adas, et il est inconnu, il est pas, on sait pas c'est qui. Donc le hadith, son authenticité est pas solide. Toutefois, le cheikh il explique qu'il y a plus que 3000 preuves dans l'affirmation du fait qu'Allah est au-dessus de sa création. Et donc, c'est quelque chose qui est clair. Donc, si ce hadith-là n'est pas authentique, ça ne diminue pas la force ou la solidité de la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Donc le hadith dit qu'il était donc qu'il était dans un nuage ou dans un endroit nuageux qui a en haut et en bas il y a du vent, quelque chose comme ça. Puis ensuite il a créé le trône sur l'eau. Il a créé le trône sur l'eau. Et il explique que le al-ama c'est le nuage. Bien entendu, ça c'est des choses qui sont mentionnés dans le hadith. Si le hadith est authentique, on s'arrête à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'essaie pas d'imaginer ou de comprendre les détails de ces choses-là, puisque on ne peut pas savoir le comment de Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il dit وَفِيمَ ذَكَرَهُ الْخَلِيلِ فِيمَ ذَكَرَهُ الْخَلِيلِ. Il dit وَذَكَرَ أَثَارًا أُخَرَ. Il a mentionné d'autres narrations par la suite. Ici, Cheikh Salih al-Sheikh, il dit « هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من النقول دال على الأصل الذي أصله من أن طريقة أئمة الحديث أو طريقة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وأن لا يتجاوزوا ذلك وأنه لولا أن صفة الرحمن جل وعلا جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك وهذا قاعدة عامة عندهم بأنهم لا يصفون الله جل وعلا إلا بما دلت عليه النصوص ولا يخرجون عنه. Donc il dit que ça, ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité ici, c'est des preuves qui viennent confirmer la base que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a établi sur la voie des gens du hadith et des gens de la narration et les gens qui suivent les salafs. qu'ils affirment tout ce qui est mentionné dans les textes à propos d'Allah et de son messager, à propos de la religion, mais qu'ils ne dépassent jamais ce qui est écrit dans les textes à ce sujet-là. C'est-à-dire que si l'attribut de Ar-Rahman n'était pas mentionné dans les textes, ils ne l'auraient pas affirmé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour eux une règle générale qu'ils appliquent pour toutes les choses dans la religion, qu'on n'a pas le droit d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, excepté si c'est confirmé par les textes, et on n'a pas le droit de sortir de cette règle-là. Si c'est dans les textes, peu importe qu'est-ce que c'est, si c'est un texte qui est authentique, on doit l'affirmer et on doit l'accepter. Et si c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans les textes, alors on ne l'affirme pas. Hein? On ne parle pas de qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il dit « وَكَذَلِكَ فِي مَا ذَكَرَ الْفُرْقَانِ ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم وبين أهل السنة في أن الله جل وعلا في السماء فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون الله جل وعلا كما هو معلوم بالمنفيات ويجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا فيقولون إن الله جل وعلا ليس يعني في الصفات في السماء ولا ينزل ولا وليس بجسم وليس بذي أعضاء وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره ويجعلون معرفة الرب جل وعلا من جهة نفي ما لا يليق به جل وعلا وهذه هي طريقتهم حتى إنهم يسلبون بنفي جميع الصفات إلى أنه جل وعلا معدوما يصلون بنفي جميع الصفات إلى أنه جل وعلا معدوما فيرجع قولهم إلى أنه معدوم أو يرجع قولهم إلى أنه جل وعلا ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به جل وعلا. Donc il dit ensuite le cheikh que c'est devenu même la distinction entre les gens de la sunna et les jahmiyyah. Hein, et les gens de la bid'a, les gens de Jahmiya, et ceux qui les suivent parmi les gens qui nient les attributs et les noms d'Allah, et les gens de la sunna. Donc ça, c'est la différence entre nous et eux. La différence entre les gens de la sunna qui affirment ce qu'Allah a mentionné, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et la voix des gens de bid'a qui nient ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et ce qui a été révélé. Donc il dit que les gens des Jahmiyyah et des gens qui suivent Bishr al-Murisi et ceux qui leur ressemblent, eh bien eux, ils décrivent Allah par des négations. Et quand ils parlent d'Allah, ils ne font que mentionner des négations seulement. Et donc, ils détaillent dans la négation. Comme par exemple, ils vont dire, Allah n'a pas dans ses attributs, il n'est pas dans les cieux, il ne descend pas, il n'a pas un corps, il n'a pas de membres. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. Hein? Donc ça, c'est une voie de bid'a. Et ils font de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que par la négation. Que par la négation. Et ils pensent qu'ils nient à Allah ce qui ne lui convient pas comme attribut. Et le cheikh, il dit que ça, c'est leur voie et c'est leur méthode. Et à la fin, quand ils suivent cette méthode-là, ils arrivent même jusqu'à dire, à force de nier les attributs, qu'ils nient même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tombent même dans l'athéisme à la fin et la négation même de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, pour eux, c'est comme si Allah n'existait pas réellement. Il n'existe que dans ton imagination ou dans ton esprit. C'est un Dieu abstrait qui existe que dans ton imagination. Ok? Puisque quelque chose qui n'a pas d'attribut, ça n'existe pas. Hein? Et donc, si tu nies toutes les attributs d'Allah, c'est comme si tu niais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Après, le cheikh, il dit, وَلِهَذَا صَارَ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ نَفْيٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى فِي السَّمَاءِ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي الْأَرْضِ كَمَا يَزْعُمُونَ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ أو عن قولهم علوا كبيرا كما وكما في il dit ensuite الذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله جل وعلا في السماء كما قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وكما في قوله وهو الله في السماوات وكما في قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وأشبه هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى في السماء كما دلت على ذلك النصوص. ومعنى كونه في السماء أنه على السماء لا أن السماء ظرف له تحيط به، بل معنى في هنا بمعنى على، فيكون قوله أأمنتم من في السماء يعني على السماء. Donc le cheikh explique ici que qu'est-ce qui a été prouvé par les textes et qu'est-ce qui a été prouvé par le consensus des salafs, c'est que Allah est dans les cieux, au-dessus des cieux. Quand on dit dans les cieux, ça veut dire en réalité au-dessus des cieux. Et la preuve de ça, c'est dans les versets comme le verset 16 dans sourate Al-Mulk où Allah dit أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء، c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez en sécurité de, vis-à-vis de celui qui est dans les cieux, hein, qu'il يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ qu'il vous fasse vous faire avaler par la terre, hein. Et le verset 3 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ et c'est Allah dans les cieux. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 84 dans sourate Az-Zukhruf, « وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ » Donc c'est lui qui est une divinité dans les cieux et sur la terre une divinité. C'est-à-dire dans les cieux une divinité et sur la terre une divinité. Ce verset, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est adoré. Dans les cieux, il est adoré sur la terre. Parce que Ilah, ça veut dire Al-Ma'boud, celui qui est adoré. Ensuite, le Cheikh, il dit, il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens-là aussi. Et il dit, ces textes-là, c'est comme, yani, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est dans les cieux, ça c'est comme, ici, il dit, Fis Sama, ça veut dire sur les cieux, ou au-dessus des cieux, Ala Sama. Dans la langue arabe, ça arrive souvent que, la préposition fi, elle est le même signification que ala. Et des exemples de ça, yani Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il en mentionne plusieurs dans son sharh de Al-Wasitiyya et dans son sharh de Al-Hamawiyya. Il donne l'exemple Aynam, yamshi fil ard, famshu fi manakibiha, ou bien لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني je vais vous crucifier dans le yani le tronc de l'arbre, hein, ou sur l'arbre. Est-ce que ça veut dire à l'intérieur de l'arbre? Non, ça veut dire sur l'arbre. Donc dans la langue arabe souvent la proposition fi, elle vient dans le sens de ala. D'accord? Et c'est pour ça que quand il dit Fis Sama, ça veut dire Ala Sama. Et il y a une autre explication que le Cheikh Mohamed Aman a mentionné aussi, c'est que quand, si on le prend dans le sens de Fi, en voulant dire dans les cieux, alors il dit dans ce cas-là, c'est dans le sens de Al-Ulu. Bima'an Al-Ulu. Fi l'Ulu. Li'anna ma'an Sama Al-Ulu. Kadalik. Le terme, le mot sama en arabe, ça veut dire tout ce qui est en, ça désigne tout ce qui est au-dessus de nous. Ok, donc quand on dit les cieux, ça ne veut pas nécessairement dire les cieux qui sont créés au-dessus de nos têtes, mais ça veut dire la direction du haut, hein, de qu'est-ce qui est en haut de nous. Donc c'est ça. Et après, il dit le cheikh. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على سمائه بائن من خلقه سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل بخلاف الجهمية وأرباب البدع فإن عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا إلى آخره وأما الإثبات عندهم فإنما يثبتون بصفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. Donc le cheikh il dit, donc nous on croit que Allah est au-dessus de ses cieux et qu'il est séparé de sa création et qu'il est au-dessus, il s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur et à la grandeur de sa puissance. Et donc pour nous l'affirmation des attributs d'Allah elle est détaillée tandis que la négation elle est générale. Quand on nie, c'est des négations, des défauts ou des imperfections qui sont générales. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, plusieurs versets, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Des choses comme ça. Il nie, par exemple, que le sommeil, il nie la fatigue, il nie que le sommeil ou que la fatigue puisse le toucher. Il nie qu'il puisse avoir été engendré ou qu'il ait engendré quoi que ce soit. Il nie d'avoir une compagne. Il nie d'avoir un fils. Il nie d'avoir, par exemple, besoin de quoi que ce soit. Hein? Comme il dit, par exemple, « وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ » Il nourrit, c'est lui qui nourrit les créatures, mais lui, il n'est pas nourri. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de subsistance. Il est al-qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même. Donc, la négation, c'est des négations générales. Tandis que l'affirmation, c'est des détaillés. C'est détaillé. Wa huwa as-sami'u al-alim, al-basir, al-khabir, al-alim. الحكيم إلى آخره وهو الرحمن على العرش استوى يعني هو الحي القيوم يعني إلى آخره. Donc c'est une affirmation détaillée des noms et des attributs d'Allah, tandis que la négation c'est des négations globales. Le contraire des jahmiya, les gens de bid'a, pour eux la négation elle est détaillée. Ils disent Allah n'est pas comme ci, Allah n'est pas comme ci, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'a pas ci, Allah n'a pas ça, Allah n'est pas ci. Bon, tout ça c'est des détails dans la négation et l'affirmation pour eux. La seule chose qu'ils affirment à Allah c'est quoi? C'est qu'il existe. Une existence absolue qui n'est pas restreinte ou détaillée, ou définie même. Une affirmation indéfinie. وَمَا سَاقَهُ عن ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن جل وعلا وهذا حق كما دلت عليه النصوص فالعرش مأخوذة مادته من الارتفاع وهذا ولهذا جعله الله جل وعلا مرتفعا وله علو على جميع المخلوقات حتى الجنة فإن عرش الرحمن فوقها يعني سقفها فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Abi Zamanin il a mentionné des textes, wa alaykum salam wa rahmatullah, il a mentionné des textes dans son livre As-Sunnah qui sont clairs au sujet de la foi en le trône de Allah, le tout miséricordieux. Et ça, c'est une chose qui est véridique et qui a été prouvée par les textes. Parce que le trône de l'arche, eh bien, c'est quelque chose qui est élevé. Le trône, il est élevé, il est haut. Il est au-dessus de toutes les créatures d'Allah. Le trône, il est au-dessus de toutes les autres créatures d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le trône. Au-dessus de toutes les autres créatures, même le paradis est en dessous du trône. En fait, le toit du paradis, c'est le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc le trône, il est élevé, et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, est au-dessus de son trône. Et donc, l'élévation est le fait que yani, l'élévation du trône est particulière au-dessus de toutes les créatures et l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala est particulière sur le trône. C'est-à-dire Allah est élevé au-dessus du trône. Istawa ala al-arsh. Wallahu jalla wa ala istawa ala al-arsh, yani irtafa'a alayhi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il est monté au-dessus du trône. Et c'est ça ce que signifie le mot istawa en arabe. Comme tu regardes dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre, je pense que c'est Al-I'tisam. Chapitre Al-I'tisam. Ou bien Tawhid. Il y a plusieurs chapitres dans les derniers chapitres de l'imam al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Et il y en a un de ces chapitres-là où il explique Wa kana arshuhu ala al-ma dans l'introduction du chapitre. Et il donne les paroles des salafs au sujet de la définition du terme istawa. Et il mentionne, je crois que c'est Abu al-Aliya et Mujahid et d'autres également qui mentionnent que le mot istawa signifie ala wartafa'a, c'est-à-dire de s'élever et d'être au-dessus, de monter. Donc il dit, le terme istawa ala al-arsh, ça veut dire irtafa'a ala al-arsh. Istawa ala al-arsh, ça veut dire irtafa'a ala al-arsh. C'est-à-dire il est monté, il s'est élevé au-dessus du trône. Wa ala alayhi uluwan khassan. Et la façon dont il s'est élevé au-dessus du trône, c'est une élévation qui est particulière. وعبر عنه بعض السلف بأنه جل وعلا استقر عليه سبحانه وتعالى وأشبه ذلك. فإذا العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلو والاستواء عليه أيضا ارتفاع وعلو خاص. فهذا يقضي من الجهتين على أن الله جل وعلا على جل وعلا مستو على عرشه سبحانه يعني أنه عال عليه وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات وهذا بخلاف من زعم أنه سبحانه وتعالى في كل مكان فإن مادة العرش تنافي ذلك فلو آمن بالعرش لآمن بأن الله جل وعلا لا بد أن يكون عاليا على العرش وأن الاستيلاء لا يناسب لأنه لا يكون لأنه لا يمكن أن يكون عاليا على جميع المخلوقات. Donc qu'est-ce qu'il explique ici? Le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est élevé au-dessus de son trône, et il dit que le trône, donc il est élevé lui-même au-dessus de toutes les autres créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est au-dessus de ce trône, élevé au-dessus de ce trône. Et au-dessus, par conséquent, il est au-dessus de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures, parce que la plus haute de toutes les créatures, c'est le trône. Contrairement à celui qui s'imagine que Allah est partout. Hein? Donc ça, c'est en contradiction avec le fait que Allah soit sur le trône. Donc il dit que si tu crois en le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et non pas mélangé avec sa création ou qu'il est partout. Et on ne peut pas dire non plus, comme le disent les gens de Bid'ah, qui disent que Allah a pris le contrôle du trône, que ça veut dire que istawa, ça veut dire qu'il a pris le pouvoir ou qu'il a conquis le trône, comme ceux qui disent que le mot istawa, ça signifie istawla. Hein, ils disent istawa, ça veut dire al-istila, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas approprié. Tu ne peux pas dire ça d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a conquis le trône, qu'il a pris le pouvoir sur le trône, comme si quelqu'un d'autre que lui avait le trône et que lui il est venu pour le reprendre ou conquérir ce trône. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a des rivaux parmi ses créatures? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de rivaux. Il n'a pas de partenaires, il n'a pas d'alliés, et il n'a pas de rivaux non plus. Il n'a pas d'ivaux qui serait son égal dans quoi que ce soit. Contrairement à ceux qui, parmi les koufars et parmi les mushrikins, qui s'imaginent qu'il y a un dieu du bien puis un dieu du mal. Que Allah, c'est le dieu du bien, puis il y a un autre, c'est le shaitan qui est le dieu pour le mal, puis qu'il y a une guerre ou un combat entre ces deux dieux, hein, et qu'ils sont comme deux égaux, mais des rivaux qui s'opposent l'un l'autre. C'est pas la conception de l'islam. Parce que le shaitan, c'est une créature d'Allah qui fait partie des djinns, hein, et qui est faible. Et Allah est capable de le détruire en deux secondes, hein, ou en moins que ça. Donc c'est pour dire, c'est pas un rival à Allah. Le shaitan n'est pas un rival à Allah. Le shaitan, c'est une créature d'Allah. Il a créé pour une sagesse. C'est pour mettre l'homme à l'épreuve. Donc, c'est pas comme chez les chrétiens. Et qu'est-ce que les chrétiens imaginent à propos du diable? Que c'est l'opposé de Dieu, puis que c'est le Dieu de la terre, ou le maître de la terre, ou le, je sais pas quoi. Donc, non. Il n'y a personne qui avait le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été le maître du trône, et il est au-dessus de son trône. D'accord. Donc il dit وقول ثم قال باب الإيمان بالكرسي باب الإيمان بالكرسي الكرسي القول في الكرسي وأنه بين يدي العرش وهو موضع القدمين موضع القدمين. Donc le kursi, c'est pas la même chose que l'arche. Le kursi, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lequel Allah s'est élevé. Et l'arche, c'est le trône d'Allah sur lequel il s'est élevé. Et al-kursi, c'est mawdi' al-qadamain, c'est-à-dire là où, en dessous du trône, on pose les pieds. Là où, en dessous du trône, on pose nos pieds. Donc, en arabe, al-kursi, c'est ça. C'est pas le kursi et le trône, c'est deux choses différentes. Et il y a des athars, il y a des paroles des salafs qui mentionnent que le trône est beaucoup plus grand que le kursi. Ok, le trône par rapport au kursi, il y a des athars, je pense d'Abdullah ibn Abbas, qui dit que c'est comme le kursi par rapport au trône, c'est comme si tu prends une pièce que tu la lances dans le désert. Donc c'est pour dire que le trône, le kursi, il est très très petit par rapport au arche. Hey, نعم. Donc il dit ici وقال محمد ابن عبد الله من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين بل هذا صح عن ابن عباس وثبت عنه أنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. Donc que ça a été affirmé par Abdullah ibn Abbas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Ayatul Kursi, le verset 255 dans Surat al-Baqarah, que, yani, il dit, وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est-à-dire que la largesse et la grandeur du Kursi, c'est plus grand que les cieux et la terre. Donc si ça c'est la grandeur du Kursi, et que le Kursi est petit par rapport au Arche, imaginez la grandeur du Arche. Hein? Il est plus grand que les cieux et la terre. Hein? Et il dit ensuite وذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابرة من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها وذكر ما ذكره ويحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حمد بن سلمة عن عاصم عن رز عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجب وقال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول. Donc on va traduire cette partie-là, puis on va lire les explications après. Donc il dit que Muhammad ibn Abdullah, l'imam Ibn Abi Zamanain, il dit parmi les paroles des gens de la Sunna, de Ahl Sunna, c'est que le Kursi, il est devant ou sous le trône, et il est avant ou sous le trône, et c'est l'endroit où on pose les pieds. C'est l'endroit où on pose les pieds. Et quand on dit c'est l'endroit où on pose les pieds, on ne doit pas essayer d'imaginer ou de se dire comme si que c'est parce que c'est ça sa définition, donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin du trône ou qu'il a besoin du kursi, et que c'est le kursi ou le trône ou le arche qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte le arche et qui supporte le kursi. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin du arche et n'a aucun besoin du kursi, comme les ulama l'ont expliqué. Mais c'est le kursi et l'arche qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les supporte les deux et qui les retient les deux, hein, et non pas le contraire. D'accord. Et ensuite il dit, puis ensuite il mentionne le hadith de Anas dans lequel il y a que Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester le vendredi dans l'au-delà. Il va se montrer aux croyants dans l'au-delà. Et lorsque il dit dans ce hadith, et lorsque ce sera le vendredi, il va y avoir, il dit, il habata min 'aliyyin 'ala kursiyhi, il va descendre sur son kursi, et il sera entouré, son kursi sera entouré de pupitres ou de pupitres dorés remplis de pierres précieuses, et les prophètes vont venir s'asseoir dessus autour du kursi. Naam. Donc ça c'est une parole qui a été rapportée dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ibn Abi Zamanain. Il est aussi rapporté par l'imam Shafi'i dans Al-Umm et dans sa Musnad, et par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, et par Abdullah Ibn Ahmad dans Al-Sunna, et Al-Tabari dans son Tafsir. Et le hadith est rapporté selon Anas, et il est rapporté également par Ad-Daraqutni dans son livre Al-Ru'ya de différentes façons, et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah l'a mentionné dans Majmu' Al-Fatawa. Et l'imam Ibn Al-Qayyim, il dit au sujet de ce hadith dans Mukhtasar al-Sawa'iq, وأما حديث أنس بن مالك فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان. Donc c'est une perle ce hadith pour les gens de la foi. Évidemment, parce que les gens de la Sunna, ils acceptent tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah, et ils ne doutent rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les prennent tels qu'ils sont. Ils n'essayent pas de nier ou de déformer leur signification. Il dit ensuite, et c'est rapporté également selon Yahya ibn Sallam, celui qui a un tafsir célèbre, il a dit que c'est rapporté que Al-Mu'alla ibn Hilal, selon Ammar al-Duhni, selon Saïd ibn Jubayr, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit que le kursi, l'endroit où c'est le kursi, il dit qu'il est plus large que les cieux et la terre, et que c'est l'endroit où on pose les deux pieds. Et il dit personne ne connaît la grandeur du trône excepté celui qui l'a créé. Ça, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas. Puis il dit ensuite, et c'est rapporté également dans le hadith de Asad ibn Musa, c'est rapporté selon, il a dit que Hammad ibn Salama nous a rapporté selon Asim, selon Riz, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, entre les cieux, entre le premier des cieux de la dunya, et non, il dit بين السماء الدنيا, donc entre le ciel, le premier des cieux, le ciel de la dunya, et le suivant, il y a la distance de 500 ans. Puis entre chacun des cieux par la suite, il y a la distance de 500 ans. Puis entre le septième ciel et le Kursi, il y a 500 ans. Puis entre le Kursi et l'eau, il y a la distance de 500 ans. Et le trône est au-dessus de l'eau, et Allah est au-dessus du trône. Et il sait ce que vous faites. Hein? Il sait ce que vous faites. Et donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Khuzayma dans Al-Tawhid, et Al-Darimi dans Al-Rad al-Jahmiya, et par Al-Bayhaqi dans Al-Asma al-Sifat, et par Al-Lalaka'i. Et il est rapporté également par Al-Tabarani dans Al-Kabir et Abu Shaykh dans Al-Azama. Et c'est rapporté selon Ibn Mas'ud. Et il a été authentifié par Ibn al-Qayyim dans Mukhtasar al-Sawa'iq et dans Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Et l'imam al-Dhahabi, il a dit dans son livre Al-Ulu, Isnaduhu Sahih, sa chaîne de transmission est authentique. Et Al-Haythami dans Majma' al-Zawa'id, après avoir mentionné la narration de At-Tabarani, il a dit ورجاله رجال الصحيح. Les rapporteurs de ce hadith sont les rapporteurs authentiques. Il dit ensuite ثم قال باب الإيمان بالحجب. باب الإيمان بالحجب, c'est-à-dire la foi en les voiles, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est voilé de sa création. Et il dit qu'il fait partie de la position des gens de la sunna, que Allah est séparé de sa création et qu'il s'est voilé de sa création par des voiles, hein, et que Allah soit exalté de et purifié de ce que les injustes disent à son sujet, hein, et il mentionne le verset 5 dans Surat Al-Kahf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ فَوَهِمْ. Ça signifie quoi? Ça veut dire que la parole qu'ils disent de leur bouche, c'est une parole vraiment grave, et ils ne font que dire des mensonges. Et ça, c'est ensuite, il a rapporté des différentes narrations qui affirment que Allah subhanahu wa ta'ala a été voilé, ou qu'il s'est voilé de sa création. Puis ensuite, il parle de al-iman bin nuzul, la foi en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux durant le dernier tiers de la nuit. Donc il va citer ces versets, ces hadiths-là. Et c'est des hadiths qui sont des preuves, encore une fois, pour clarifier que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Hein? Puisque, il y a plusieurs versets qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala, les anges montent vers lui, et qui mentionnent que lui, il descend au dernier des cieux, donc, tout ça, c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, et non pas mélangé avec sa création. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, la suite de ce dars. Al-Iman bin Nuzul. Donc, on est rendu ici. Donc, subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.